The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To be. Être. Married. Marié. To. Aussi. Single. Célibataire. Engaged. Fiancé. Fiancé. Le fiancé. Now, a bit faster. To. Aussi. Fiancé. Le fiancé. Married. Marié. Single. Célibataire. Fiancé. Le fiancé. Married. Marié. Engaged. Fiancé. Married. Marié. Single. Célibataire. Married. Marié. Single. Célibataire. Now, use the words in context. Marié. My parents have been married for 5 years. Mes parents sont mariés depuis 5 ans. Célibataire. My best friend is single. Ma meilleure amie est célibataire. Fiancé. We are already engaged. Nous sommes déjà fiancés. Le fiancé. The mayor is going to meet the fiancés. Le maire va rencontrer les fiancés. Être. I'm ready. Je suis prêt. Marié. My parents have been married for 5 years. Mes parents sont mariés depuis 5 ans. Fiancé. We are already engaged. Nous sommes déjà fiancés. Le fiancé. The mayor is going to meet the fiancés. Le maire va rencontrer les fiancés.